le 6-9 de l'été sur France Inter. Voici Magic Elvis, l'histoire d'Elvis Presley, l'enquête de Philippe Robin aujourd'hui, 16 août 1977, Elvis est parti. Mais que s'est-il réellement passé ce 16 août 1977 à Graceland? Ginger Alden, la petite amie d'Elvis à cette époque, se réveille vers midi et constate qu'il n'est pas dans le lit à côté d'elle. Elle le cherche et le découvre gisant inanimé sur le sol de la salle de bain. Joe Esposito, qui était présent ce jour-là dans la maison, nous raconte la suite telle qu'il l'a vécue. On a reçu un appel téléphonique dans la cuisine. C'était Ginger Alden, sa petite amie du moment, qui disait « J'ai besoin de quelqu'un en haut ». Al Strada est monté et il a trouvé Elvis sur le sol de la salle de bain. Il m'a appelé à l'aide, je suis monté, j'ai retourné Elvis et dès l'instant où je l'ai touché, je savais qu'il était mort. Je l'ai retourné et j'ai essayé de le réanimer. Je ne pouvais pas lui faire de bouche à bouche, car je ne pouvais pas ouvrir sa mâchoire. Son père est monté et il a crié « Elvis, s'il te plaît, ne meurs pas, ne nous laisse pas !» Sa fille, Lisa Marie, qui avait 9 ans, était là aussi. J'ai dit à Ginger « Emmène Lisa ailleurs !» Entre-temps, bien sûr, on avait appelé les secours. Et l'ambulance arrive, franchit les grilles de Graceland et s'arrête devant la porte de la maison des Presley. On l'a mis dans l'ambulance, le docteur Nikopoulos lui parlait en lui faisant un massage cardiaque, lui donnait de l'oxygène, mais il n'y a pas eu de réaction. À l'hôpital, au bout de 30 minutes, le docteur est venu nous voir pour nous dire qu'Elvis était mort. Un autre fidèle d'Elvis, Charlie Hodge, malheureusement disparu aujourd'hui, m'avait aussi raconté comment il avait vécu ce moment dramatique. C'était le choc de ma vie. J'ai vu Elvis sur le sol, Joe Esposito et Al Strada qui essayaient de le réanimer. J'ai voulu essayer de le faire respirer, mais on a bien vu que son corps était déjà rigide, c'était trop tard. L'ambulancier n'a même pas essayé quoi que ce soit. Il avait vu ce que nous refusions de voir. En quelques minutes, l'information fait le tour du monde. Et la plupart des radios et des télévisions de la planète stoppent leur programme pour annoncer la triste nouvelle. Magic Elvis, Philippe Robin, la suite demain.